الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Aujourd'hui, inshallah, nous allons tirer quelques perles d'éloquence de la sourate Al-Kawthar. Sourate Al-Kawthar. C'est la sourate la plus courte du Coran. Elle comporte 3 versets seulement, mais elle est riche en enseignements. La sourate Al-Kawthar, Inna a'tainaka Al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, Inna shani'aka huwa al-abtar. Certes, nous t'avons accordé le Kawthar, prie pour ton Seigneur et sacrifie pour lui, c'est celui qui te hait, qui est le plus grand mutilé. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Alors, l'idée principale de cette sourate tourne autour du don et de la reconnaissance. Elle tourne autour du don et de la reconnaissance. L'ata wa shukr, le don, il est illustré par la parole d'Allah, Inna a'tainaka al-kawthar. Certes, nous t'avons donné le kawthar. Ata. Et la reconnaissance, le shukr, il est exprimé par le verset, accomplis donc la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Fasalli li rabbika wanhar. Alors, lien de correspondance entre cette sourate et la sourate qui la précède, à savoir la sourate Al-Ma'un, il y a vraiment un lien de correspondance extraordinaire. Il est très fin. Contemplez avec moi cette perle d'éloquence. Méditons la sourate Al-Ma'un, à commencer par le premier verset. Le premier verset, as-tu vu celui qui traite de mensonge le din? أرأيت الذي يكذب بالدين. Ça c'est la sourate qui précède la sourate Al-Kawthar. Allah il dit dans la sourate précédente, dans le premier verset, أرأيت الذي يكذب بالدين. As-tu vu celui qui traite de mensonge le din? Le din ici c'est la rétribution, c'est-à-dire la rétribution le jour dernier, le jour jaza ou hisab, comme dans la Fatiha. Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Maître du jour de la rétribution, maître du jour du din. Ce verset commence par la question de la négation du jour dernier. Si nous méditons maintenant la sourate Al-Kawthar, elle commence par quoi? Elle commence par Inna a'tainaka al-Kawthar. Nous t'avons assurément, nous t'avons certes donné le Kawthar. Le Kawthar a plusieurs sens, comme nous le verrons, Inch'Allah. Mais l'une des explications qui a été donnée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il s'agit d'un fleuve du paradis. Le Kawthar, c'est un fleuve du paradis, comme l'expliquait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a d'autres sens. Qui dit Kawthar, dit paradis, bien sûr. Et qui dit paradis, dit jour dernier. Donc la première sourate, la sourate Al-Ma'un, elle commence par la négation du jour dernier. Et cette sourate, la sourate Al-Kawthar, elle commence par quoi? Par l'affirmation du jour dernier. La sourate Al-Ma'un nous cite le cas du mécréant, de l'hypocrite qui traite de mensonge le jour du jugement. رأيت الذي يكذب بالدين. Quant à la sourate Al-Kawthar, elle réfute cette allégation de l'hypocrite par la parole d'Allah. Certes, nous t'avons donné le Kawthar. Inna a'tainaka al-Kawthar. L'hypocrite nie et Allah affirme en citant le Kawthar qui est un fleuve du paradis. Ça, c'est un lien de correspondance. Un autre lien de correspondance. Concentrons-nous sur l'idée centrale de la sourate Al-Ma'un. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. As-tu vu celui qui traite de mensonge le jour du din? J'ai dit, essayons de nous concentrer sur l'idée centrale de la sourate Al-Ma'un. Nous constatons qu'elle parle d'une qualité précise, à savoir l'avarice, Al-Bukhl. As-tu vu celui qui traite de mensonge le jour dernier? Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din? Qui est celui-là? Qui est celui qui traite de mensonge le jour dernier? فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمِ. C'est celui qui repousse brutalement l'orphelin. Alors, qui traite l'orphelin de cette manière? C'est l'avare, bien sûr. La suite. وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Et qui n'incite pas à nourrir le pauvre. Qui est celui qui n'incite pas à nourrir le pauvre? C'est l'avare. Suivez bien. Allah n'a pas dit وَلَا يُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. Il ne nourrit pas le pauvre. Mais il dit, et qui n'incite pas à nourrir le pauvre. وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ. Et comme vous le savez, s'il n'incite pas les gens à nourrir le pauvre, à plus forte raison, il ne va pas le nourrir lui-même. C'est un grand avare. Non seulement il ne nourrit pas le pauvre, mais il n'incite pas les gens à les nourrir. Ça c'est le troisième verset. وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ. Passons maintenant au dernier verset de cette sourate Al-Ma'un. Je parle toujours de la sourate qui précède la sourate Al-Kawthar. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Et refuse l'ustensile. Refuse l'ustensile à celui qui en a besoin. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Il refuse l'ustensile. Ils refusent de prêter leurs ustensiles. Le ma'un, ce sont les ustensiles de la maison, c'est surtout les ustensiles de la cuisine. Nous, les Arabes, les Marocains en particulier, disent ma'un. Quand ils disent ma'un, c'est surtout la marmite où on cuit la nourriture. Ou bien aussi ils disent le ma'un à propos de l'assiette, ou ils disent en général le ma'an, c'est-à-dire les objets, les ustensiles de la cuisine, les fourchettes, les cuillères, tout ça, ils appellent ça le ma'un. Mais le ma'un veut dire tous ces petits objets, les cuillères, les casseroles, même les tournevis, la lampe électrique, tout ça fait partie du ma'un. Donc ces gens-là refusent l'ustensile, ils refusent de prêter ou de donner ces simples objets. C'est-à-dire qu'ils sont tellement avares qu'ils refusent ces choses-là à celui qui leur demande. Donc la sourate, le ma'un parle de l'avarice, du bukhl. Maintenant, quelle est l'idée qui apparaît en toute évidence dans la sourate Al-Kawthar, dans notre sourate? C'est la générosité, la libéralité. Inna a'tainaka al-Kawthar. Nous t'avons certes donné le Kawthar. Cette générosité est exprimée par nous t'avons donné et par le Kawthar. Donc nous t'avons donné générosité. Le Kawthar, l'un des sens du Kawthar est le bien en abondance, puisque Kawthar dérive de Kathir. Nous t'avons donné le Kawthar. La sourate Al-Ma'un, elle s'est terminée par la pire forme d'avarice, à savoir le fait de refuser de simples ustensiles de la maison à celui qui en a besoin, ou le simple fait de les prêter. Et la sourate Al-Kawthar a commencé par la générosité sublime d'Allah, le don immense d'Allah. Inna a'tainaka al-kawthar. Cette générosité est aussi exprimée dans le verset où Allah dit: Fasalli li rabbika wanhar. Prie pour ton Seigneur et sacrifie. Et sacrifie, ici, nahar s'applique surtout aux chameaux. Donc, celui qui sacrifie les chameaux et qui les distribue aux pauvres, ça, c'est une forme sublime de générosité. Avez-vous constaté cette nuance, ce contraste? Générosité dans la sourate Al-Kawthar et avarice dans la sourate Al-Ma'un. Autre point, suivez bien. Autre lien de correspondance. Dans la sourate Al-Ma'un, il y a les deux versets suivants. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Malheur à ceux qui sont assujettis à la salat, mais qui sont distraits de leur prière. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Malheur aux fidèles qui sont distraits de leur prière, qui quand ils prient, ils sont distraits. Dans la sourate Al-Kawthar, maintenant, il y a le verbe en impératif fasalli, c'est-à-dire prie, accomplis la prière. C'est-à-dire, c'est comme si Allah disait à son prophète, ne fais pas la prière en étant distrait, mais accomplis-la assidûment et en étant concentré dans ta prière. Donc, dans la sourate Al-Ma'un, elle parle des gens qui prient en étant distraits. Dans la sourate Al-Kawthar, il y a la prière avec assiduité. Fasalli. Donc, il y a un contraste. Un lien de correspondance. Un autre point, le verset 6 de la sourate Al-Ma'un, Allah dit, الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. Ceux qui font preuve d'ostentation. Et qui dit ostentation dit shirk. L'ostentation est une des formes du shirk d'association. Ces gens-là, qui prient, qui font preuve d'ostentation, ils font des œuvres pies ou effectuent les raka'at dans leur prière, non pas pour plaire à Allah, mais pour s'en montrer. Ils le font par ostentation. Donc il y a shirk, c'est-à-dire ils associent les gens avec Allah pour s'en montrer devant les gens. Pour montrer aux gens qu'ils prient. Donc ils ne le font pas pour plaire dans le seul désir du visage d'Allah, mais ils le font pour plaire aussi aux gens. Donc c'est une forme de shirk. Donc à l'opposé, dans la sourate Al-Kawthar, Allah a dit Fasalli li rabbik. Accomplis la prière pour ton Seigneur. Prie pour ton Seigneur. Non pas par ostentation, mais pour plaire à ton Seigneur. Donc, à l'ostentation citée dans la sourate Al-Ma'un s'oppose la consécration de l'œuvre à Allah et le désir de lui plaire dans la sourate Al-Kawthar, c'est-à-dire la question de l'ikhlas, de la pureté de l'intention et de la consécration de l'œuvre à Allah subhanahu wa ta'ala. Autre point. Maintenant, nous sommes arrivés au verset 7, le dernier verset de la sourate Al-Ma'un, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ ». C'est-à-dire ces gens-là qui font preuve d'ostentation, ils font autre chose, ils refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. À ce verset-là, on peut opposer la parole d'Allah, Wanhar, dans Surat Al-Kawthar, et sacrifie. C'est comme si Allah disait à son prophète, parce que le discours est adressé au prophète, dans Surat Al-Kawthar, c'est comme s'il lui disait, si ces gens-là sont tellement avares, qu'ils refusent ne serait-ce que de simples ustensiles de la maison, la marmite ou le plat ou l'assiette, alors toi tu dois être généreux en faisant des dons précieux. Et le don qui témoigne d'une générosité exemplaire, c'est le sacrifice du chameau, le nahar. Puisque le nahar s'applique au chameau. Sacrifice des chameaux et leur distribution de leur viande aux pauvres, là, c'est une preuve d'une grande générosité. Si ces gens-là refusent ne serait-ce qu'une assiette vide, toi, ô prophète, sacrifie les chameaux et distribue la viande aux pauvres. Avez-vous saisi un peu le contraste entre ces deux sourates? Passons maintenant au lien entre le début de la sourate Al-Kawthar et la fin de la sourate Al-Kawthar. Cette sourate a commencé par Inna أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ. Certes, nous t'avons donné le Kawthar. Et il s'est terminé par le qualificatif Al-Abtar, le plus grand mutilé. L'Abtar signifie aussi la personne qui est privée de postérité, qui n'a pas de descendance. En méditant le début et la fin de cette sourate, on déduit que le don généreux est une consolation. Allah veut par ce don, par ce ata, par ce don, consoler et réconforter son prophète. Suite aux attaques, aux critiques et aux propos blessants auxquels il était victime. Vous savez, depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé sa dawa, à transmettre le message d'Allah, a commencé sa fonction prophétique, il n'a cessé d'être en but aux persécutions et aux attaques de son peuple, les Quraysh. C'est les Quraysh, ils voulaient, vous avez lu la Sira, ils voulaient étouffer la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils voulaient mettre fin à sa da'wah, à sa mission. Et parmi les propos blessants qu'ils disaient à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il est abattard, coupé, mutilé, sans postérité. Et ils ont dit ça quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu ses garçons. Il a perdu Ibrahim, il a perdu Al-Qasim. Ils ont dit il est coupé, sa lignée est coupée. Il ne va pas laisser de descendance après lui. Vous savez, quand quelqu'un perd ses garçons et qu'en plus de ça il entend des propos blessants au sujet de ses garçons, c'est plus douloureux. Quand il disait il disait tiens, il est resté sans garçon, il est devenu abtar, le chagrin est plus intense. Et là, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le Kawthar à son prophète. Kawthar, le fleuve du paradis et le bien en abondance. Il lui a donné ça pour le consoler et lui inspirer la force de supporter ses attaques. Allah lui a donné le Kawthar en compensation de la perte de ses garçons. Bien que le prophète sallam n'a pas perdu ses garçons, il va les trouver. Et bien que toute la communauté du prophète sallam fait partie de sa descendance, de sa postérité. Ça, chers frères, chères sœurs, est une thérapie psychologique, si vous voulez. L'homme qui est victime d'un malheur, s'il réfléchit un peu et regarde ce qu'Allah lui a accordé comme bienfait, il supportera facilement son malheur. Bien plus, le malheur se transformera en un choc, en une reconnaissance. Mais s'il ne voit que ce malheur-là, qui l'a frappé, sans se rappeler les bienfaits d'Allah dont il jouit, là, qu'est-ce qui va lui arriver? Il souffrira encore plus de ce malheur et il va devenir de plus en plus ingrat vis-à-vis des bienfaits d'Allah. Maintenant, on va essayer de tirer quelques perles d'éloquence des termes même de cette sourate, sourate al-Kawthar, qui est une sourate très éminente. Alors, le premier verset, Inna a'tainaka al-Kawthar. Nous t'avons certes donné le Kawthar. Alors, ça commence par Inna. Inna est composé de Inna et du pronom personnel, du pronom à la première personne du pluriel Na. À la base, c'est Innana. Innana. Il y a Inna, la particule Inna, et puis Na qui est le pronom personnel à la première personne du pluriel Nous. Mais la troisième lettre la troisième lettre nun a été insérée dans les deux précédentes. C'est-à-dire, au lieu de dire innana, il y a inna pour plus de légèreté. Donc, inna tout court est une particule affirmative ou confirmative. N'est-ce pas? Tawkid, harfu tawkid. Elle ajoute quoi? Elle ajoute de l'énergie à la phrase. C'est un intensif. Alors, pour ce qui est de sa fonction syntaxique, là, je donne un exemple simple. Quand on dit Zaydun Muntaliqun, c'est un exemple explicatif. Zaydun Muntaliqun. Si on introduit la particule inna, qu'est-ce qu'elle va faire cette particule? Elle va régir le nom Zaydun à l'accusatif et le prédicat, le nom Muntaliqun, au nominatif. Ça devient inna zaydan muntaliqun. Inna zaydan muntaliqun. Inna tansubu al-mubtada wa tarfa'u al-khabar. Certes, Zayd est au départ, si vous voulez. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la particule inna est un intensif qui ajoute de l'énergie à la phrase. J'ai traduit inna par certes, mais je reconnais que cette traduction est inadéquate, parce que l'adverbe « certes » implique une nuance concessive, ce qui n'est pas le cas de « inna ».« Inna », c'est un intensif, c'est un affirmatif. « Certes », l'adverbe « certes », il marque une idée de concession et d'opposition. « Inna » indique que ce qui va être dit après est d'une grande importance. Ça donne de l'énergie à la phrase. À ce « inna », est attaché l'affixe na, qui est le pronom personnel, sujet, à la première personne du pluriel. À la première personne du pluriel. De quel pluriel s'agit-il ici? Du pluriel de majesté. Jam'u ta'zim. Allah parle de lui-même. Il ne dit pas moi, je t'ai donné, mais il dit nous. Il y a donc dans ce verset majesté, exaltation et intensification de l'idée. Ta'zim wa tawkid. Inna a'tainaka al-kawthar. Nous t'avons. Allah parle de lui-même. Il emploie la troisième personne la première personne du pluriel, et ce pluriel, c'est un pluriel de majesté. Les exégètes disent que ce verset est la réalisation d'une promesse qu'Allah a donnée à son prophète dans la sourate Ad-Duha, dans la sourate la matinée. Quelle est cette promesse? Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Ad-Duha, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Et c'est sûr que ton Seigneur te donnera ce qui te rendra satisfait. Là, le verbe a'ta, il est au futur. Et dans la sourate al-Kawthar, il est au passé. C'est le verbe a'ta. Il est au futur. Et là, dans la sourate al-Kawthar, dans notre sourate, inna a'tainaka al-Kawthar. Il est au passé. Nous t'avons donné le Kawthar. C'est-à-dire que le don, c'est déjà réalisé. Le Kawthar appartient déjà au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit a'tainak. Suivez bien. Il lui a dit a'tainak et non pas a'tainak. A'ta et non pas a'ta. Pourquoi? Ben souvent on traduit les deux par donner, parce que l'emploi de a'ta de a'ta est courant dans le Coran. وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ. On donne, il donne, il accorde la hikmah à qui il veut. Donc, il y a ata, il y a ata. Si on les traduit, on peut les traduire tous les deux par donner. Mais il y a une différence entre ata et ata. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, il n'a pas dit إِنَّا أَتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. Mais il lui a dit, inna a'tainaka al-kawthar, a'tainaka al-kawthar. Ben, l'une des différences les plus manifestes entre ces deux verbes, a'ta et a'ta, est que l'emploi du verbe a'ta, suivez bien, implique que la personne à qui on donne la chose en acquiert la pleine propriété. Et il ne risque pas d'être dépossédé de cette chose. Tandis que l'emploi de ata, yu'ti, n'implique pas la même chose. Ata vient aussi du itien, de la venue. C'est comme s'il dit atainak, nous t'avons apporté. Et nous t'avons donné ou nous t'avons apporté. Mais attends, c'est comme si nous t'avons donné la chose et tu en acquiers la pleine propriété, de plein droit. Et tu peux en disposer comme tu veux. Hein? Quand Allah subhanahu wa ta'ala emploie le verbe être yu'ti, ça n'implique pas la même chose et que la personne risque de déposséder de la chose qui lui a été donnée. Quand on emploie être. C'est pourquoi quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de la royauté, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. Dans sourate Al-Imran, où Allah dit, ô Allah, maître de la royauté, tu accordes tu'ti, et non pas tu'ati, Allah emploie ici tu'ti, et non pas tu'ati, tu accordes la royauté à qui tu veux, et tu retires la royauté à qui tu veux. Dans la sourate 3, la sourate Al-Imran, verset 26. Puisqu'Allah retire la royauté, il peut la retirer à qui il veut, il convient d'employer le verbe ata et non pas le verbe ata. Parce que le verbe, dans le verbe ata, il y a la notion d'appropriation. C'est-à-dire que quand on dit ataitu, ça veut dire que la personne qui reçoit ce don-là, il en acquiert la pleine propriété. Ce n'est pas le cas de ata. Et donc, quand Allah parle de la royauté ici, il dit qu'il peut ôter cette royauté à qui il veut. Il peut la retirer à qui il veut. Et donc, il convient d'employer le verbe ata et non pas ata. Rappelez-vous une chose. Quand Sulayman alayhi salam a invoqué Allah en ce terme, il a dit « Rabbi, Rabbi gfirli, wa habli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di. » Sulayman a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit « Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi un royaume que nul autre après moi ne puisse avoir. » Dans surat Sad. Rabbi gfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di. Allah, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a répondu, il a exaucé son vœu et lui a dit « Haza ata'una ». Il a employé le « ata » et non pas le « ita ».« Haza ata'una ».« Ata » c'est un nom qui dérive du verbe « ata ».« Famnun ou amsik bighayri hisab ».« Haza ata'una famnun ou amsik bighayri hisab ». Tel est notre « ata » et non pas « ita ». Tel est notre don, distribue-le ou garde-le sans avoir à en rendre compte. Il n'a pas dit ita, mais bien ata. Ata. Et puisqu'il a employé ata, il lui a le verbe ata, ça veut dire que Sulayman a la pleine propriété sur ce don-là et il peut en disposer comme il veut. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit famnun ou amsik bighayri hisab. Distribue-le ou garde-le sans avoir à en rendre compte. Hein? Il lui a donné la pleine propriété. Il peut en disposer comme il veut. Et d'où l'emploi du verbe ata'una et non pas ita'una. Ça, c'est l'une des différences. D'ailleurs, quand Allah parle du kitab, parle du ilm, de la science, et parle de la hikma, du zikr, il emploie souvent, toujours, le verbe ata. آتاني الكتاب كما دعي عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب آتاني لامبلوى آتا يؤتي الحكمة من يشاء إلى كورد لا ساجس كي يلوي لا بدي يعطي الحكمة مي لا دي يؤتي الحكمة إلى امبلوى لو فيرب آتا باسكو celui qu'Allah a qui accordé le livre, celui qui a qui Allah a accordé la sagesse ou la science, il ne doit pas en disposer comme il veut, mais il doit la transmettre, il ne doit pas la taire. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. Allah, il a proféré des menaces graves à celui à qui il a été, il a apporté, il a donné, accordé le kitab, le livre, et qui ses enseignements, il ne les dispense pas. Donc, il n'a pas la pleine propriété sur ce Le kitab, il ne peut pas en disposer à sa guise, le taire comme il veut, non, mais il doit le propager, le transmettre, et il doit aussi agir en fonction des se conformer aux enseignements de ce livre, d'où l'emploi de être et non pas ata. Autre différence qui découle de la précédente, c'est que concernant les choses qui acceptent l'association et le partage, on emploie le verbe ata et on n'emploie pas le verbe ata. Comme dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit, yu'til hikmata man yasha, il accorde la sagesse à qui il veut. Il accorde la sagesse à qui il veut. Parce que les gens se partagent la hikmah, ils se partagent la sagesse. Un tel a une part de sagesse, tel autre a une part, etc. Allah n'a pas dit yu'ati al-hikmah. Parce que s'il avait dit yu'ati, donner la hikmah, ça veut dire que toute la sagesse va à une seule personne. Mais la sagesse, c'est quelque chose que les gens se partagent, de même que le mulk, la royauté, d'où l'emploi de ata au lieu de ata. Autre différence, généralement le verbe ata s'applique aux choses matérielles. Il s'applique aux choses matérielles. Généralement ça. Comme dans le sourate al-Layl, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى » Celui qui donne, quand Allah ajoute foi à la belle parole d'Allah, nous lui faciliterons certes l'accès à la facilité. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى ici, donner, ça veut dire donner de l'argent, des biens, etc. C'est quelque chose de matériel. حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ dans la sourate Tawba, jusqu'à ce qu'il donne la jizya, la capitation, ça c'est concernant les mécréants d'entre les gens du livre. Allah emploie ata et non pas ata, parce que c'est quelque chose de matériel. Et l'emploi de ata, il est plus général que l'emploi de ata. Inna a'tainaka al-kawthar, nous t'avons assurément donner le kawthar. Allah, il a déterminé la personne qui jouit de ce don. Il n'a pas dit inna atayna al kawthar. Il n'a pas dit nous avons donné le kawthar, mais nous t'avons donné le kawthar. Le discours est directement adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer son éminence, les tashrif, les takrim. Quand on veut honorer quelqu'un, on s'adresse à lui directement. On emploie le style direct. On dit « tu as, je t'ai ». C'est plus éloquent. Mais quand on veut blâmer quelqu'un ou lui faire des reproches, il vaut mieux ne pas s'adresser à lui directement. Parce que c'est blessant. Quand le professeur Salam constate un fait blâmable, constate que des gens ont commis quelque chose de répréhensible et qu'il veut les blâmer, ben, il ne s'adresse pas à eux directement. Il dit qu'on est-il des gens qui font des choses, qui font telle et telle chose. Nabel ou Akouamin yafa'alouna kaza ou kaza. Il parle à la troisième personne du singulier. Allah subhanahu wa ta'ala aussi n'a pas dit je t'ai donné le kawthar, mais il a bien employé le pluriel de majesté, comme j'expliquais tout à l'heure. Pourquoi? Pour montrer la grandeur du don. Pour montrer la grandeur du don. Un don qui vient de quelqu'un de sublime, de majestueux, et lui-même sublime. Inna a'tainaka al-kawthar. Le nom kawthar, il dérive de l'adjectif kathir, qui signifie abondant, nombreux. Et Kawthar est construit sur le shem wazn fawal. Comme j'ai dit dans les séances précédentes, la structure des noms et des verbes est d'une grande importance en langue arabe. Les shem, le wazn, awzan, sont des modèles qu'on en applique aux racines des mots. Vous savez, akala, il est construit sur le shem fa'ala. Donc, il est sur le wazn fawal. Kawthar, il est construit sur le shem fawal, qui est une forme intensive du mot kathir. Si kathir signifie abondant, kawthar signifie très abondant. Sirat al-mubalagha. C'est une forme intensive. On dit par exemple à propos d'un homme très courageux, qu'est-ce qu'on dit à son propos qu'il est jawhar, jawhar. Jawhar vient du verbe jahara. Jahara, ça veut dire manifester, divulguer. Jawhar est quelqu'un qui se montre, il défie ses ennemis dans la bataille. Il se montre, il les défie de les combattre. Il dit, qui peut me combattre? Qui est capable? Jawhar est une forme intensive. Donc, kawthar est une forme intensive. Le shem, fawal, prouve dans ce verset que le don est généreux. Il est sublime et abondant. Que ce kawthar soit une description d'un fleuve, du paradis, ou le fleuve lui-même, parce que bon, selon certains des hadiths authentiques, dans le Bukhari et ailleurs, le professeur Salam a lui-même expliqué que le Kawthar est un fleuve du paradis, dont les rives sont en or, le lit en perles, il est plus doux que le miel, et qui comporte deux canaux qui se déversent dans la vasque, dans le Haoud, qui se trouve sur l'aire de résurrection. Ce Haoud-là, cette vasque-là, dont s'abreuveront ceux qui l'ont suivi. Ceux qui se sont abreuvés de la sunna du prophète sallam dans cette vie, le jour du jugement, le prophète sallam va leur donner à boire de l'eau qui se trouve dans cette vasque et dont la source, c'est le fleuve Al-Kawthar. Et le Kawthar ne signifie pas seulement un fleuve au paradis, mais aussi le bien en abondance. Il signifie aussi le grand nombre d'adeptes. Il signifie aussi la renommée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il signifie la prophétie elle-même, la science. Il signifie les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La position de louange dont fait partie la grande intercession, puisqu'il va intercéder en faveur des gens en général, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala juge entre eux. Quand ils seront dans l'ère de la résurrection, ils attendent le jugement. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le seul qui va agir et qui va se prosterner devant le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va lui demander de juger entre de juger les gens. Et c'est la grande, c'est le maqam al-mahmoud. Ce jour-là, il va intervenir au moment où les autres prophètes, ils disent non, moi je veux juste sauver ma personne. Mais lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va intercéder en faveur de toutes les communautés pour qu'Allah les juge. C'est l'une des intercessions, sans parler de l'intercession, des intercessions particulières qu'il va faire en faveur de sa communauté. Ça, c'est le maqam al-mahmoud, et c'est l'une des explications de Al-Kawthar. Saïd ibn Jubair, qui est un des disciples d'Abdullah ibn Abbas, il a dit à propos du Kawthar qui est le fleuve qui est au paradis, et ce fleuve fait partie du bien en abondance du Kawthar qu'Allah lui a accordé. C'est-à-dire que le fleuve fait partie du Kawthar. Donc Kawthar, c'est un bien en abondance, que ce soit dans ce monde ou dans l'au-delà. Et vous remarquez, chers frères, chers sœurs, que cette forme intensive, kawthar, il convient au style général de ce verset. C'est-à-dire que tout est sublime et majestueux dans ce verset. Le verset a commencé par la particule inna, intensif, inna, puis na qui est un pronom qui désigne le pluriel de majesté, et puis le verbe a'ta qui prouve que le bénéficiaire du don en acquiert la pleine propriété, puis le deuxième na, inna a'tainaka, naka, qui est aussi pluriel de majesté, et puis le pronom ka qui est te, nous t'avons donné ce pronom qui désigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est éminent au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala.